qu'il est dans la vibration de l'intelligence qui est un pouvoir sur tous les plans, et qu'il va voir un astrologue ou qu'il va voir une voyante, et qu'il se fait dire les possibilités, ou souvent même des certitudes, parce que certaines voyantes sont extrêmement certaines de ce qu'elles vous avancent, ce personnage pourra très bien voir à travers et neutraliser ce que lui présente la voyante, parce que il sera dans la vibration de l'intelligence qui lui permet d'activer sur le plan matériel dans un temps qui convient à l'intelligence et non à son corps de désir, de sorte que il n'aura pas de fausses surprises. Pourquoi les fausses surprises existent dans la vie de l'homme? Pourquoi on dit « Ah, il me tombe une tuile sur la tête » Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment avancée pour permettre que l'ego s'en serve d'une façon parfaite. Alors, cette imperfection, cette manque de relation, cette dégradation, ce différentiel entre l'intelligence réelle dans l'homme et l'intelligence un peu moins grande, précise, parfaite chez l'homme, crée toutes ces conditions qui font que nous vivons des conditions qui ne sont pas toujours plaisantes. Parce que nous nous mettons les pieds dans les plats. Et nous nous mettons les pieds dans les plats parce que nous avons de l'émotivité qui colore notre intelligence et qui empêche que l'énergie serve à autre chose que à notre corps de désir. On ne peut pas accéder à l'intelligence, à la vibration de l'intelligence par désir. C'est une condition qui croît en soi au fur et à mesure que l'intelligence nous explique les mécaniques ou la mécanique de notre être. Mais lorsque nous avons commencé à ressentir cette intelligence ou sa mécanicité, nous pouvons très facilement voir qu'il y a une relation directe entre notre émotivité et elle. Et c'est cette relation qui doit être très bien comprise